Mon ami est tel que personne ne nous aime. Il aura fallu une tête coupée et sur toi un tourbillon. Abolisse la peine. J'aurais dû m'effacer pour ne pas contaminer les terres. Et si les amours se sont et que son règne s'achève, il aurait temps de creuser ma tombe. Fermer la serre. N'aura-t-il plus jamais tous ces goûts affinés? Et si l'on ne savait plus comment faire pour aimer? Qu'une mort sur terre, la haine aura valé. Or, le sens de la vie est tel que l'on est fait pour tuer. Pourquoi se distraire quand on est éphémère? Pourquoi rester sous les lois qui ne font que nous perdre? Ils n'auraient jamais dû exister, et pour autant d'heures, à jamais aimer plus que soi. Et si l'on ne savait plus comment faire pour aimer, et n'importe où sur terre, la haine revenait.